car je débarque. 9-2, dramatique park, je distribue des baffes. Contrôle d'identité, montre-nous tes phares. La la la chatte à ta grand-mère, la grosse biatch. C'est 9-2 easy, on sent pas les coups du rap. Tiens ta langue man, take it easy. Y'a pas de balance ici. Négro, haute scène illicite. On veut pas voir la police ici. C'est 9-2 easy, on sent pas les couilles du rap. Tiens ta langue man, take it easy. Y'a pas de balance ici. Négro, haute scène illicite. On veut pas voir la police ici. Mon 9-2 easy. Vos techniques sont trop frénèses. MC, tu veux pas claps comme Easy E. Attendez que ma clique vous baisse. Mais n'attends pas que le flic te lève. Mets-toi à l'aise, trop vas-y vite. Prends ton bif, pèse ailleurs parce qu'ici c'est trop gazmer. Touche pas mon 9 de busy, ici c'est 9 de easy. Pour les refs de Tessy, Maza maîtrise le Uzi. Bousy sans souci, je remplis le rosier pour eux. Envoie les faux sous terre pour eux, pour moi il faut se taire noir. Balance ta maille, ton spliff ou ton verre de sky. Tout est façon mythomane, rien à voir avec nos hooligans. Tu recherches la qualité dans le 9 de c'est easy. Touche pas leur putain de cam, écoute de mon 9 de Uzi. Featuring Los Haramos pour leur femme, hein. Tu veux venir tester à la source dans le 9-2, c'est easy. Demande-moi à I2S, B2 ours ou Brazamizi. Allez, quitte ici, man. Arrête tes chichi, man. Ta chachate mouille quand je groupe sur la zizik, man. Sois pas si pathétique. File, nous on aime pathétique. Mazalaza, black mythique. Fumeur de flash et de stick en vrac. 9-2, easy. Je vois que t'as compris. Ici, c'est les Simpson OG remplis de Sensi qui se pointent à l'abordage. Bordé les caves, ils sont trop naze. Ça soin de fils. Il est temps de tourner la page. C'est 9-2 easy, on sent pas les couilles du rap. Tiens ta langue man, take it easy. Y'a pas de balance ici. Négro, haute scène illicite. On veut pas voir la police ici. C'est 9-2 easy, on sent pas les couilles du rap. Tiens ta langue man, take it easy. Y'a pas de balance ici. Négro, haute scène illicite. On veut pas voir la police. J'organise easy un casting. Tous les rappeurs pour faire un film de boule. Laisse tomber la paix, KO de B, te laisse KO debout. Depuis mes débuts, les MC sont trop sexy, je les existe. Pour qu'ils arrêtent de jouer, n'arrête jamais de fuir. Dans mon équipe, jamais de fuite. N'estime jamais de flic, enfer sur terre, paradis fiscal. Ma rage est vitale, selon mes calculs, si je t'encule bien, c'est minimum l'hernie discale. Musical overdose, vois la vie en rose dans mon verre de cristal. Retiens bien mes initiales, le 9, le 2, easy. Tiens ta langue, man. Take it easy, officiel, toujours en bise. Mon logiciel a bugué trop tôt. Ma devise depuis Adam et Eve, poteau, c'est marche ou crève. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy, easy, easy. C'est qu'on connaît rien, nous. Nous tôt dans l'échec, on sombre. J'crois que c'est clair, dans les études ou dans les stupes, on tombe. Souvent des fonds bouts qui tiennent les dièses du bon bout dans nos halls. Et si ça cesse, sans aucun doute, finissent au bois de Boulogne. Ici l'homme, 9-2 I2S, si si, easy or norm, y'a que des bonhommes comme Brazamizi. Nous signer sur ton label serait une saisie énorme. 92 injections, mon illicite smear morgue. Les remords suscitent le suicide. Dans le crime, j'mors alors sans me poser de questions, restant lucide. Auteur méfait que jamais il n'est lucide. Nocif, on nous arrose de balles comme du pesticide. C'est 9-2 easy, on sent pas les couilles du rap. Tiens ta langue man, take it easy. Y'a pas de balance ici. Négro, haute scène illicite. On veut pas voir la police ici. Quel de ces MC a voulu tester? Nip. Allez mec, vous aimez pas? Allez vous faire enculer.